L'après-midi du jeudi, là où je bosse, c'est 5 heures de réunion. Je retrouve mes 12 collègues et mets mon orgueil au placard. Je ravale ma fierté des talons, car l'effectif là où je bosse, c'est 12 chats pour un seul braquemar. Pour être plus clair, c'est 12 femmes et un homme. Et puis l'homme, c'est moi, alors j'en prends plein la pomme. Je suis comme un coq castré au milieu d'une basse-cour. C'est pas qu'elles soient méchantes, mais 12 d'un coup, ça fait lourd. Je m'en fous de ce qu'elles vivent avec leurs amants, leurs maris. Moi, je suis juste leur collègue, alors pourquoi elles me piétinent? Supérieur en nombre, je crois qu'elles ont compris qu'à travers moi, elles peuvent régler leur compte avec la gente masculine. Mais j'ai rien fait, moi, laissez-moi ta poufiasse. Je fais juste mon taf et je suis même pas fan. Faut pas trop chercher la bête, méfiez-vous les radasses. Monsieur Hardcore n'est jamais loin, faut pas le rendre nerveux. J'ai quand même pas blessé, emmerdé par les femmes, nom de Dieu. Ce sont des serpents venimeux. Leur langue bifine me rétame, mais je comprends dans leur cœur est tari, pauvre dame, qu'elle n'est pas l'amoureux. Ok, je me calme, je reste consensuel. Il y va de mon salaire, j'en ai besoin pour manger, pour me prendre des pitures pendant mes congés annuels. Allez les miséreux, je bois à votre santé. Ouais, c'est pas les cas sociaux avec qui je travaille qui sont les plus pénibles, qui sont les plus moroses. Mais mes putains de collègues, elles mériteraient de la mitraille quand elles ont leur bouffée de chaleur due à leur ménopause. Elles boivent de la tisane parce que le café ça fait mal. Y'a jamais rien qui va, pendant 5 heures elles se plaignent. Elles peuvent être affables, on bosse quand même dans le social, mais deviennent de vraies teignes lorsque chaque mois elles saignent. Là où je bosse, personne n'est fan d'aspirine. Pour des raisons de flux sanguin, elles tournent au paracétamol. Je suis certain que peu d'entre elles sécrètent de la cyprine. Et j'en suis sûr, bien incapable de susciter une demi-molle. Oh non! À l'époque des 30 glorieuses, moi c'est tout de suite plus tragique quand je repense à mes 12 emmerdeuses. Oh oui. Enfin voilà, vous en savez un peu plus sur mon quotidien, sur mes conditions de travail pas vraiment paritaires. J'espère qu'elles ne tomberont jamais sur ce morceau vilain. Elles ne connaissent pas TMX, mais juste David le débonnaire. Mes collègues.